Ne croyez pas en ses progrès. Regardez son passé et sa cupidité. Avec sa machine de cruauté, jusqu'à la fin de l'humanité. Où sont les civilisés? Où sont les sauvages? Vous devez faire un choix, la mort ou la vie. La vie. Tous les copains, tous les copains, tous ceux qui vivent et habitent la terre, ils savent que la biosphère, c'est la nouvelle ère. Tous les copains, tous les copains, ils savent que la biosphère, c'est la nouvelle ère. Ne séchez pas votre fontaine, écoutez les chamans, notre gardien. L'organisme vivant civilisé, qu'est-ce qu'un sauvage? Vous devez faire un choix, la mort ou la vie. La vie. Peace.